Je suis maintenant le seul sur la terre. L'espèce humaine a été décimée en intégralité. Mon frère est mort de la grippe aviaire. Ma mère morte d'une maladie inconnue. Mon père s'est fait fusiller. Mes amis ont goûté à la bombe atomique. Mes grands-parents sont morts desséchés. La sécheresse a frappé ici sur terre. Les incendies ont tout détruit. Les inondations ont fait des ravages des populations. Croiser le fer pour les dernières miettes de nourriture. Une humanité brûlée comme une image. C'est le piège des voitures, du pétrole et de l'argent. 2013, le temps n'en a fait qu'à sa tête. La nature a montré son pouvoir. Séisme, ouragan, effet de serre. Les vents solaires ont détruit l'électronique. Les gens cédés sous la panique. Sans télé, ni électricité. Certains se sont suicidés. Plus aucune voiture, plus de travail, plus d'argent. La pauvreté nous a frappés. Le coût de la vie a augmenté. Les gardes mangés se sont épuisés. Les gens sont devenus fous. Les guerres ont éclaté. Les bombes atomiques sont tombées comme une averse de grêle. La nature a continué à se dérégler. Les incendies ont continué de plus belle. Le niveau des océans a monté. Plus de poissons dans la mer. Plus ce fut le tour de l'air glaciaire. La terre a montré sa colère. A viré ses colocataires. Pas de 144e chance. Un retour de balance errant. Dans un paysage lunaire, je ne voyais plus mes frères nourris à l'aubépine et aux racines. Jusqu'à ce que la végétation disparaisse. Plus de gouvernement, seul face à un désert glacial. Un apocalypse sans renouveau. Plus d'arbres, plus d'animaux. Tous fusillés par balles. Et plus rien à boire. Impossible de survivre au milieu d'un enfer. Plus de paradis sur terre. Pour manger, certains ont tué leurs frères. Plus aucune dignité, plus aucun espoir. Plus de vie, plus d'amis, seuls. Les étoiles ont continué à briller. Bien loin de tout ça, d'une terre et d'une humanité brûlée. L'espèce humaine a commencé à s'éteindre. Plus de technologie, le gouvernement n'a rien fabriqué, non. Les dernières énergies ont été investies dans l'armement. Mais au bout d'un moment, des mesures ont été prises. Mais il était déjà trop tard, le point de non-retour était atteint. La faim en a tué certains, les autres sont morts à la guerre. Dans des incendies suicidés ou atteints de maladies graves. L'humanité était tombée, trop de haine s'était libérée. Trop de sang avait coulé, le futur n'avait plus de couleur. Notre intelligence nous avait tués, elle ne valait plus rien face à la peur. Incapable de bouger son confort, aucun effort n'avait été fait. Un matériel le caviré à l'autodestruction. Les humains ont failli à leur mission. Nos habitudes nous ont coûté cher. À tous vouloir vivre comme des rois. Ils en avaient oublié qu'il existait des voies. Pourtant, on nous avait prévenu que la terre était en danger. Mais ils n'ont pensé qu'à leurs revenus et aux moyens de se faire du blé. Les scientifiques l'avaient bien démontré. Mais ils ont fermé les yeux comme à leur habitude. Et alors que la fin, ils n'ont pensé qu'à eux. Comment expliquer que face à cette situation, personne n'a su réagir. L'humanité rabaissée aura inférieur. Finalement, c'était bien nous les plus cons. Avec nos voitures et tous nos avions, nos quotidiens pollueurs, avec comme excuse un monde meilleur. Finalement, c'était bien l'inverse. Une presse de pouvoir nous a tués. Personne ne s'est donné la main. J'ai vraiment honte d'être un humain. Nous ne sommes pas les victimes. On s'est plongé seul dans les abîmes. C'est nous les coupables. Et en aucun cas, l'humain est acquittable. Nous ne sommes pas les victimes. On s'est plongé seul dans les abîmes. C'est nous les coupables. Et en aucun cas, l'humain est acquittable. Nous ne sommes pas les victimes, on s'est plongé seul dans les abîmes. C'est nous les coupables et en aucun cas l'humain est acquittable.